peu à peu sacrifiée en cité sensible. Adieu mes remparts, salut mes gargouilles, je vous laisse au crouillé. Oh, punk. son qui se passe à la fin, on l'entendra pas, quasiment pas en fait. Ouais, après ça part avec un espèce de bruit. En fait, le but c'est de. Sur le bordel. Faire chier quoi. Ouais. Là, le but c'est que la fin en fait ça devienne insupportable. Ouais. Genre un truc qui fera.